Donc, c'est une action collective qui est entreprise effectivement au nom des citoyennes Cap-Rouge qui reste dans un rayon d'environ 1 km autour de l'usine. C'est défini pas exactement comme ça, mais géographiquement pour les nuisances en fait qui ont été causées par Amacolor depuis 3 ans. C'est un recours, donc contrairement à l'injonction qui demande une réparation en dommages-intérêts. Au niveau compensatoire, on demande un montant de 1 500 $ par année par personne pour la zone la plus éloignée et un montant de 3 000 $ par année par personne pour la zone la plus rapprochée de l'usine, en plus d'une somme de 5 000 $ par personne en dommages punitifs pour violation du droit à un environnement sain protégé par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Ouais, donc effectivement, ça peut être assez long. Je dirais que l'autorisation, qui est la première étape, ça prend généralement entre 1 an et 1 an et demi à obtenir. Et ensuite, pour l'étape du mérite, c'est quelques années supplémentaires en général. Et qu'est-ce qui vous fait dire que la problématique qui est vécue par les citoyens est suffisamment importante pour entreprendre un recours collectif? Ben parce que ça dure depuis un peu plus que 3 ans, parce que ils ont fait toutes sortes de démarches au niveau politique, au niveau juridique avec la tentative, la demande d'injonction, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont toujours là, parce qu'Amacolor continue d'opérer de façon sans changer ses façons de faire, de façon à arrêter les nuisances. Moi, je parle aux citoyens qui me disent que ça continue. La semaine dernière, c'est l'enfer. Ils m'appellent puis ils me disent, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Je suis pas capable de sortir dehors. Je suis pas capable d'aller pelleter. Je suis pas capable d'aller prendre ma marche. Les gens sont exaspérés, en fait.